Bonjour, voici Bluesy, une émission proposée par Denis Claraz. Ah oui, alors ça m'impressionne. Hein. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Bluesy. Et comme le disait Albert Collins à l'instant, you talk too much. Donc ce sera un maximum de musique et un presque minimum de commentaires pour cette émission de Bluesy. You know what? When you ain't got no money, you got the blues. When you can't pay your rent, you got the blues. You see that guy over there? He done drunk up all his money. know you're faking. Throw your piano out the window. You can't pay the blues. Tell you don't have the blues. C'était beau, n'est-ce pas, hein? Monsieur Memphis Gold avec How You Gonna Play the Blues. Dans cet album, il citait quelques grands noms du blues et on ne peut pas oublier celui de John Lee Hooker. Alors ce n'est pas John Lee Hooker que l'on va entendre tout de suite, mais sa fille Zakiya Hooker qui a enregistré au milieu des années 90 un bel album qui s'appelait Flavors of the Blues. Voici le titre d'ouverture, une reprise de Robert Johnson. Stones in my pathway. Pain. has taken my appetite. Jolie voix féminine avec une petite touche jazzy, mais c'est quand même bien du blues que nous avons écouté, puisqu'il s'agissait d'un extrait d'un album de reprise de Robert Johnson, The Red Hot, et l'interprète était P.N. Treadgill. Trouble kind. a force of nature, babe. Can't stop this train. Poison arrow to your heart and a bullet in your brain. Nothing you can do will save me. I was born to be alone. Pray the Lord above have some mercy on my soul, oh baby. I've been so bad. I'm an evil-hearted woman and I don't deserve no good man. Décidément, c'est un festival de jolies voix. Là, c'était celle de Joanne Parker, extrait de l'album On the Rocks, Evil Hearted. Et bien voilà, cette émission est en train de s'achever tout doucettement. Quittons-nous en musique, si vous le voulez bien, avec Jason Elmore, Cross-Eyed Woman. Merci d'avoir suivi Bluesy. À très bientôt. Chickens in her backyard. Well, she knows how to love me, knows how to satisfy. Knows how to love me, knows how to satisfy. We always get along, but we never see eye to eye. trusted brother, she can't be true. She'll leave you flat disgusted, let me tell you how she'll do. She'll watch you like a hawk and keep an eye on another man too. But she never fuss, we never fight. She looks pretty good, boy, she's out of sight. Now I love my baby, I ain't gonna put her down. But we'll stay in the country, cause I ain't taking her to town. Oh, that person. C'était Bluesy, une émission présentée par Denis Claraz.